jamais oublier d'où on vient. On est ce qu'on est sur cette terre. De deux choses l'une. Soit on est quelqu'un, soit on est personne. Tellement de choses à raconter pour les plus petits, pour nos insights. Tellement de choses à découvrir, pas possible d'écrire pour nous sans être. Je veux que tu saches que nos chansons de l'art, jamais à court et laisse l'impalpable chanson de l'âme. À travers le cœur et le cerveau, c'est l'essence et la substance. Une force protéresse, c'est plus de sud quand on y pense. Le peuple se mord, prend les reins, il faut que t'essayes. Sauvegarde les faibles, reste brave, sauvegarde les forts, mais il faut que t'essayes. Toujours trop real comme mystique amène, comme mystère amène dice. La mystade, la même taille, on s'installe les mêmes dice. Y'a pas d'azard quand t'es seul. Trop souvent, j'ai voulu partir, désert. Ma petite voix moi dit fais rien tant que t'es certain. Arrête de croire tout ce que les autres disent. Commençons par voir tout ce qui se cache sur les autres disques. J'ai visionné le futur plus qu'une fois. Appelle-moi Nostradamus. J'garde les pieds sur terre pendant que toi la cause à Nostradamus. Ben Salem, Osiris, sombré à travers l'enfer des revoirs. J'écris fort, pas de travers l'enfer des rêveurs. Parce qu'une fois que t'es au sommet, tu ne peux que redescendre, descendre. Parce qu'une fois que des hommes on est centré 100% des 100% des 100% défense. Quand la noire sort, tombe, on s'habitue aux catacombes. Impossible d'être rejeté de l'ombre. Quand la plupart veulent se racheter de l'homme. Un autre séjour immortel dans la lune. T'es de Salem, toujours daigné sur le ring dans la lutte. Puis tout petit, on se bat pour tout ce qui est honorable. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout ce qui me reste, moi je donne au rap. I've been moved for so long by this strange fascination. I've been moved for so long by this strange fascination. Sous la ligne de syllabes qui émergent des profondeurs abyssinales. Toujours assis dans la bière sur le cannabis sinal. Salem le sorcier chaman, je vais rassembler tout le peuple. Son rêve à atteindre, crois en toi, je te jure que beaucoup le peuvent. Ma mission, balancer le message après je quitte le corps physique. Ouvre bien tes yeux sur tout le troisième et comprends l'invisible. Yo Salem, prends-toi une pause, t'es sûr que c'est ta cause. Et oui je pose et je m'oppose à l'hypnose et comatose. Que le dormeur se réveille, que le bonheur t'émerveille. Dis je t'aime à tous tes frères et matérialise tes paroles. Je suis trop vrai, pas diamant, je suis un poète de diamant. Je progresse, dis la main, je suis le parrain du diamant. Complètement sur un autre niveau, ici y'a pas de pivot. On avance toujours, on frappe de sang, on fait ce qu'il faut. Templier depuis le berceau, chevalier du verso. Vas-y parle dans mon dos, cause toujours, je prends rien perso. Prise-toi le dos à l'usine, moi je traîne au temps des lucides. Dans l'attente très lucide, que les gens se dessinent. Je suis la colonne qui se transmute au sein d'un cercle de corbeaux. Messager parmi les hommes, ça l'aime, c'est le triple 7 sur la compo. Existence capitale et j'ai fracassé la routine. Trop de la vieille école, genre la pure lampe au steam. Mais ça l'aime, j'ai retiré ma veste de prolétat. Souveraineté alimentaire, le best être prolétat. J'écris pour les potes qui versent la colle près des sépultures. Garde la foi car triomphe de ses rêves, c'est le futur. Je suis la bête et l'écart, mais aussi prête dans l'état. Pas de lumière sans ténèbres, je suis plus fier la santé nette. I've been moved for so long by this strange fascination. I've been moved for so long by this strange fascination. Je suis mes rêves de gamin, même si je crève de faim. Tout relève du divin, mon crew s'élève et se tient. Guérisseur comme royal, chérisseur et loyal. J'en ressors comme voyant, j'ai les sorts éloignés. J'ai cette étrange sensation qu'avec les anges je perds l'action. Les phalanges en contemplation, je m'allonge dans mon contemplation. Mente pas pourquoi nos récits sont anagogiques. Nous elle laisse dans les parchemins de la vérité qu'on cogite. Salem, je suis stratégiste de guerre comme Machiavel. Un cannabis, ce pharmaciste qui t'émancipe dans ta caverne. Pour l'instant, Dieu mon seul prédécesseur. Mon homme à ma tante, l'important, rester près de ses sorts. De lutter jusqu'à la tombe, je lutte plus, je veux pas attendre. Sous l'œil de Russe, ça se plombe, mais laisse les assassins de l'homme de croûte. Les potes que j'ai perdus qui ont enterré ça. La mort toujours redoutable, sur cet tarissable. Je suis en avance et en retard, je ne m'apporte, j'ai pas de remords. En vacances comme un routard, gros balance les écouteurs. Osiris retour en force, par le propre quête spirituel. Voici avance l'homme face à face, c'est le pire duel. Entre ton backpacker, entre toi en grave tiger. On est tous plus chiants, on sort du boss, pas grave tiger. Le plus grand des dieux, celui qui pète son night might. À travers les cieux, ceux qui font son night and night. Étriquant est mon rap, quand tu briques, je suis trop logique. Que tu sois brillant ou orac, c'est la même rubrique nécrologique. Le beat m'empoche, prends ma poche. Cri victoire, c'est le cri de la liberté, le regard aux yeux. L'homme libéré, la librairie du corps. I've been moved for so long by this strange fascination. I've been moved for so long by this strange fascination. Yeah.